chapitre 18e, On Affair. La ville de Helstonleigh abondait en fabriques de gants. C'est un des étals les plus lucratifs pour les localités où il s'exerce et l'un des rares métiers qui permettent aux femmes de travailler un ouvrage facile et agréable chez elles pendant que leurs maris sont occupés dans les manufactures. À 5 minutes de la demeure de Madame Halliburton, plus près de Helstonleigh, un tournant de la route conduisait à une petite colonie d'ouvrières, de gantières, comme on les appelle dans la phraséologie de la localité. Les maisons inégales se dressaient des deux côtés d'une large route qui servait de réceptacle aux immondices. Il était beaucoup plus facile, en effet, d'ouvrir la porte de la cuisine et de les jeter pêle-mêle sur la route que de les porter derrière la maison. Les cendres, les feuilles de choux, les os, les coquilles d'œufs, les pelures de pommes de terre, les têtes de harengs se promenaient dans le ruisseau. Un chien ou un chat mort s'y ajoutait parfois. De temps à autre, un malheureux gendarme se frayait un passage au milieu de la saleté, venait ordonner un nettoiement général ou, comme le disaient les femmes, venait leur tomber dessus. Et la suite de sa visite, une amélioration de 2 jours au plus, pouvait se constater. Cette élégante colonie portait le nom de Honeyfair. Les maris et les fils aînés de toutes ces maisonnettes étaient ouvriers et gantiers. Quelques-uns d'entre eux travaillaient chez M. Ashley. Les femmes cousaient chez elles. Quoique le commerce fût étendu, il n'y avait que fort peu de fabricants qui puissent réellement porter le titre de manufacturier. Les autres, qui n'avaient guère qu'une demi-douzaine d'ouvriers, n'en prenaient pas moins ce titre imposant. Une boutique tenue par Madame Buffle approvisionnait Honeyfair. Madame Buffle passait pour aimer les commérages. Son mari, petit homme bienveillant, propre et soigné des pieds à la tête, et qu'on appelait le dandy de Honeyfair, était premier ouvrier chez un petit fabricant. Il y avait sous sa surveillance 3 hommes et 2 jeunes garçons, aussi s'intitulait-il complaisamment contremaître. Personne n'était aussi bien au courant des affaires de ses voisines que Madame Buffle. Personne ne savait aussi bien qu'elle les faits et méfaits de Honeyfair, et plus d'une jeune fille, en achetant sa chandelle, ne la recevait qu'après s'être soumise à une réprimande. Madame Halliburton allait parfois dans cette boutique. De toutes ses clientes, Madame Halliburton était celle qui intriguait le plus Madame Buffle. En premier lieu, elle ne bavardait jamais. En second lieu, quoiqu'elle fût une dame, elle emportait ses achats elle-même. Les domestiques des grandes maisons, leurs petits bonnets sur la tête, ordonnaient qu'on leur envoyât leurs livres de l'art ou leurs douzaines d'œufs. Madame Halliburton emportait elle-même ses provisions. « Mais elle me paye régulièrement, » disait Madame Buffle à une autre commère. Ainsi, je n'ai rien à dire, vous comprenez? Quand Jane traversait Honeyfair pour aller faire ses emplettes, elle regardait avec envie les femmes assises à la porte de leur cuisine, balançant du pied le berceau ou faisant sauter le bébé sur leurs genoux, mais toujours travaillant activement. Les unes faisaient les gants, c'est-à-dire cousaient les doigts ensemble et mettaient les pouces, c'étaient les faiseuses. D'autres cousaient une fine bande autour du poignet, c'étaient les bordeuses. Les pointeuses traçaient avec de la soie les 3 lignes sur le dessus. Quelques-unes se servaient d'une machine à coudre pour que leurs points fussent parfaitement réguliers. Jane, en attendant de meilleurs jours, aurait bien voulu trouver une occupation pareille. Elle était habile à l'aiguille, elle avait la main toujours sèche et froide, chose indispensable dans la couture. Qu'importait qu'elle se rabaissât en acceptant l'emploi confié seulement aux pauvres ouvrières? N'était-elle pas pauvre elle-même? Et d'ailleurs, qui la connaissait à Helstonleigh? Le jour même où M. Ashley la délivra de son hôte malencontreux, Jane avait à parler à la mère de sa petite servante, Elisabeth Cartier. À la tombée de la nuit, mettant de côté la robe qu'elle faisait pour Anna, Jane se dirigea vers Honeyfair, la localité parfumée qu'habitait Mme Cartier. Il avait été convenu que Betsy continuerait à aller chez Mme Halliburton faire les savonnages et les lavages. En revanche, elle serait initiée au mystère de la lecture et de l'écriture. « Ce n'est pas grand profit, » faisait observer Madame Cartier à une commère. « Mais ce n'est pas une perte non plus. Il n'est pas moyen d'en faire façon à la maison. Je suis toujours à crier après elle. Elle court partout, pas possible de la faire tenir en place. Si cette dame peut la faire travailler un brin, tant mieux. Ça lui fera la main, et ce sera encore mieux si elle l'apprend à lire et écrire. Elle n'a rien voulu faire à l'école. » Description fort peu flattante des talents de Mademoiselle Betsy. Elle était bonne au fond, mais elle était fille unique, et sa mère, quoiqu'elle possède avec les autres une main ferme et une langue à l'avenant, l'avait si bien gâtée que son autorité n'avait plus de poids. Quand elle eut terminé ses affaires avec Madame Cartier, Jane, qui avait besoin de coton à raccommoder, entra chez Madame Baffle. La prêtresse était sur son trépied derrière le comptoir. Elle fit deux fois la révérence en l'honneur de la robe de deuil qu'elle n'avait pas encore vue. « Le voulez-vous gros ou fin, madame ? En voici des deux. Je n'en ai pas un grand assortiment, mais il est de première qualité. On ne me demande pas beaucoup de coton à raccommoder, madame. Les femmes d'ici ne s'occupent que des gants. Mais elles raccommodent pourtant leurs bas, observa Madame Halliburton. « Oh non, madame, elles iraient pieds nus plutôt que de prendre une aiguille pour les raccommoder. » Les femmes portent de vilaines bottes qu'elles ne se donnent pas même la peine de lasser. Et elles sortent avec le tyran qui tombe dehors et le cordon qui traîne une demi-lieue derrière. Ce sont de fameuses paresseuses. Allez, madame. Elles ont pourtant l'air d'être toujours à l'ouvrage. Toujours à l'ouvrage, répéta Madame Baffle. Vous ne les connaissez pas, madame, car vous ne diriez pas ça. Elles travaillent un jour pour s'amuser le lendemain. Il n'y en a que quelques-unes qui s'occupent tout le long de la semaine. Qu'est-ce qu'une bonne ouvrière peut gagner par semaine ? Cela dépend, madame, du temps qu'elle reste à l'ouvrage. En travaillant avec suite toute la semaine ? Oh ! Répondit Madame Baffle d'un air d'indifférence. Elle pourrait gagner assez facilement de 11 à 12 francs par semaine. 12 francs par semaine ? Le cœur de Jane battait d'espoir. Avec ces 12 francs, elle pourrait empêcher ses enfants de mourir de faim. Forcée par la nécessité, elle pouvait rester plus longtemps assise que ses femmes. Madame Baffle continuait, toute fière d'avoir fait causer sa silencieuse pratique. « Ce sont les plus grandes étourdies du monde, madame, que ces jeunes ouvrières. Le dimanche, elles se mettent comme des princesses, avec des fleurs sur leurs chapeaux et des rubans partout. Elles vont faire voir leurs bijouteries à l'église, et puis elles vont se promener toute l'après-midi avec leurs amoureux. Elles passent le lundi à courir les unes chez les autres pour babiller et rire, ou bien aller dans les champs. Le mardi, elles en font souvent de même. Alors, le reste de la semaine, il faut bien qu'elles s'appliquent à leur ouvrage pour pouvoir finir le samedi. Ah, vous ne les connaissez pas, madame. » Jane paya son coteau et sortit, au grand regret de Madame Baffle. 12 francs par semaine, entendait-elle résonner à ses oreilles.